Rock, to the future. Force barrage à la frontière. En remontada, soit ça que bénéfice du bilan. Yeah. On remontada. J'ai le fuego et la ice, j'reise. Ils veulent m'arrêter, ça finit nice. High school, 93 city de vice. Ça me saoule, ravitaille, reventaille, dice. La rue est dégueulasse, scheisse. C'est trop petit pour Fianzo. J'veux la couronne du roi, le bénéfice du clergé. Qu'on fasse la confession comme quand on a pas les perchés. Une victoire de la musique que j'irai pas chercher. Le charbon est surchargé dans la chapazole. À la tour Kada cassé dans la chapazole. Avec Nono et Saru dans la chapazole. Avec Archados au bras dans la chapazole. J'crois qu'on va y retourner en paroda. Sois discret, y'a tout qui passe en paroda. Détourner une chale à qu'on est paroda. On contrôle même leur vie, j'crois qu'ils ont paroda. Et le guitar qui pue, s'il y a les Schmitt. À la vue, s'il y a les Schmitt. Parle mon bilga, s'il y a les Schmitt. Force barrage à la frontière. Sur le monde, la tête sortie du caisson, renverser l'industrie, inverser les saisons. J'ai cassé ma vie tout bas, la frais au tesson. Ma gueule, on va te laisser, ta mère avait raison. Le drame est fortuit, le tir malencontre, la franchise qui peut nous contrer, c'est nous contre les frères contrés. La rue sous contrat, dans le rétro, je vais te montrer, les loups sont plus nombreux. Je reconnais les frais, mais demain on sort, on consomme la flore, on partage les faits. Endors-toi, je l'ai fait, faire plier la faune, quadriller la zone comme personne l'a jamais fait. Je m'offre des terres, je m'achète même pas de sable, qu'ils aillent se faire foutre, les autres, je vais me les faire. Le reste, ça dégoûte, je vais cribler des fers, je vais te mettre sur un écoute ou je vais racheter WhatsApp. Frère, j'ai rien pu faire. Du sang dans le décor fight, fracasser des portes. Laisse-moi dans ma merde, pas besoin qu'on m'escorte. J'aime plus les sunlight, le rap c'est Mario Kart. La rue c'est Fortnite, à la fin du niveau y'a personne qui danse. Plus carte et dépression qui part, c'est la folie. Pas la logique, y'a plus personne qui pense. Oublie ton colis, y'a plus personne qui lance. Frérot. Check 1. sors de la diligence, on va cardiaque le clocher. Le Far West, le charbon, je crois que je vais me faire embaucher. Il donne sa langue gauche à braquer par un gaucher. On peut faire cacher la montagne par un rocher. Je caille une pièce d'or qui cache le trésor. En pleine diversion, la réserve est fauchée. Retour aux pyramides, aux dinosaures. Le décor est moche et j'y suis toute la noche. J'ai le chargeur vide, il m'en reste une pour les traîtres. Ils m'appelleront maître si je les manipule. Je vois ce que je leur ai fait, je refais mes calculs. Si je prends du recul, ça c'est plus que du culot. J'ai des boulets pieds nus, mais je repars en pull. Un business model en forme de tarentule. Quelque part, je t'emmerde, quelque part, je t'encule. T'es plein de jalousie, les vaches fouillent en culot. Je vais remettre les mains dedans, je vais refaire de la matière. Je repars sain et sauf, je réchauffe la glacière. Je refroidis Paris, on m'appelle papa. J'ai du bon tabac dans ma tabatière. On rajeunit pas, on devient vieux tôt. On négocie pas, on maintient le taux. T'oublies principal, y'a plus de balles au centre. Couteau dans le ventre, fusil dans le dos. Frère.